Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Émile Gauthier de retour pour parler plein air dans Veux-tu sortir avec moi? Maxime Lemieux-Laramé et Stéphanie Gagné viennent parler de musique à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 21 septembre 2010, il est 7h12. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et celui que vous entendez, c'est Mathieu Plante. Oh, bonjour! Ça va bien? Oui, hey, j'ai entendu dire, François, que tu avais fait à souper hier. J'ai fait à souper hier, merci. Oui. Ben oui. T'as entendu parler de ça? C'est ça, on m'a dit qu'à travers les branches. Eh bien, votre informateur est exact, mon ami. C'est cool. Une petite crème de carotte. Ah ouais? Ouais, question de garder la santé. La vision, on dit que ça améliore la vision. Ouais, mais plus pour fruits et légumes pour la santé que pour juste un aspect en particulier. Ok. Moi, j'ai découvert les Stouffer's grande portion hier. Mathieu. Mange bien, fais de l'exercice. Merci. Et puis, je suis un échec sur les deux. Bref, à l'émission d'aujourd'hui, c'est notre émission chargée du mardi. Hein. C'est la grosse émission de la semaine, pas mal tout le temps. On va avoir plein de bons chroniqueurs. Stéphanie Gagné va être avec nous tantôt pour nous partager son plat favori, son coup de cœur artistique, musical, culturel, cinématographique, peu importe. Peu importe. On a Maxime Lemieux-Laramé aussi. Mm-hmm. On est venu parler de musique. Oui, on a ses groupes aujourd'hui. Il va nous parler de Caribou et de The Morning Menders. Il va aussi y avoir une surprise. On ne sait pas ce que c'est. Surprise. Mm-hmm. Peut-être parce que c'était la fête à Steph. Hier, donc il veut peut-être se racheter. Oh! Qui sait? Qui sait? Aussi, le retour d'Émilie Gauthier, enfin, il est de retour en direct, en studio avec nous, en personne. Tu vas la voir, elle existe pour vrai. Ouais! elle va nous parler de quoi, Mathieu? Elle nous parle de plusieurs sujets, de l'île Saint-Quentin, du parc de la rivière Vatican et de En ville sans ma voiture. C'est tout à l'heure. Donc, yeah. Veux-tu sortir avec moi? Évidemment, il va y avoir une chronique C'est un fait avec un paquet de choses particulièrement intéressantes à dire, justement, pendant que vous êtes en vélo, peut-être, avec vos amis. Hein? Peut-être. Peut-être. Ou dans l'autobus. Ou. Parce qu'une journée sans ma voiture. Ouais, un métro ici à Trois-Rivières, c'est un peu plus dur. Moi, mais. L'épicerie. Ouais. L'épicerie. Mathieu. T'allais dire? J'allais dire, la journée sans ma voiture peut se faire de toutes sortes de manières. Marche à pied, autobus, vélo, trottinette, planche à roulettes. Ah oui. Plein de choses. En Segway, tu sais, le Segway, c'est quand tu t'avances. Plus rare un peu à Trois-Rivières. Un petit peu rare. Ouais, un petit peu. Je sais pas si à Montréal, hein, il y a des gens qui. Sûrement. Je sais pas. Tu sais, qui ont un peu d'argent, puis. Ils s'achètent ça. Peut-être pas. On va commencer en musique avec un de tes choix. Un de mes choix ce matin, ça met de bonne humeur. The Cat Up Kids avec la pièce Close to Me, qui est une reprise. Une reprise de. De. Oh. De qui? Je sais pas. Ok, je te laisse languir. On revient après. Ok. Tu me dis si tu connais. Mais c'est sûr que tu connais. Thank you. With Hands, avec la pièce Dancer. Est-ce que je me trompe, Mathieu? You're a very good dancer! Yeah! You're a very good dancer! Très bonne. Très bonne pièce. Très bon choix. Merci, Mathieu, d'exister. Fait plaisir. C'est merci formidable. À Assemblage Requis d'exister. Hein? Oui. Ben oui. Dancer, qui est un bon vieux succès du palmarès anglophone de C'est fou. Alors, on va en écouter un du palmarès anglophone courant dans les prochaines minutes. Mais avant ça, on va parler de la pièce qu'il a jouée avant. Oui, c'est ça, exactement. Je m'en allais te poser la question. Est-ce que tu sais c'était quoi le groupe original de la pièce? Ça me dit rien pour tout. The Cure. Ah, je connais pas. Avec la pièce Close to Me, qui était une reprise de Get Up Kids, qu'on a entendue. Par The Get Up Kids. Par The Get Up Kids. D'une pièce exact. De The Cure. D'une pièce de The Cure. C'est ça. Les c'est deux me disent assemblage requis. Oui, l'émission matinée en pièces détachées. On construit votre journée à partir de morceaux de qualité. Ces morceaux-là s'en viennent après 7h30 aujourd'hui. Oui. Trois chroniques. Mais là, présentement, il est 7h23. C'est vrai. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de... La Banque nationale. Exactement, mon ami. L'action. L'action. Action. Action. C'est leur slogan. / Zone Campus. What? Ben dans Zone Campus? Oui, dans Zone Campus, ils ont des belles petites publicités. Faut que tu l'expliques, Mathieu. C'est pas tout le monde qui est au courant. Non, alors un peu, ben, TV, ça dit action dedans. Ah, vas-tu, je l'ai pas vu. Ah, bon, Colin, hein? T'es au courant? T'es au courant? Moi, je suis plus au courant que toi. Non, mais c'est parce que... Hein? C'est pas... Tourne pas le faire dans le plein. Ah, OK. Tout à l'heure, est-ce que tu vas nous parler de quelques affaires, toi? Je vais vous parler de quelques affaires. Des nouvelles. Des nouvelles. D'actualité. D'actualité, mon ami. Des nouvelles d'actualité. Incroyable. Moi, je vais vous faire une chronique, oui. C'est un fait. Et ça s'en revient vraiment dans très, très bientôt. Juste après, sûrement, la chronique de Stéphanie Gagné qui s'en revient dans quelques minutes. On va parler, entre autres, de chauves-souris qui ont un accent différent basé par rapport à où ils vivent. Par rapport à où ils sont basés, ces chauves-souris-là. C'est bien, hein? Où ils vivent. Tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute The New Pornographers. Voici leur succès du palmarès en ce moment. C'est un nouveau classique instantané. C'est Silver Jenny Dollar. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale.

Wedding Ghost avec la pièce de Code. Hey, savez-vous ce qui relie les deux pièces? J'ai fait un petit concept en temps, j'étais un peu bizarre là. Non. Avant, c'était Mary Goran avec la pièce On the Way Home. Merci Mathieu. Et puis là, on a entendu le Wedding Ghost. C'est le même chanteur. Ah! Tu vois? Hein? Hein? Vous êtes pas surpris là? Ben non. Non? Pas vraiment. Mais surpris de ton talent pour monter un bloc là. Wow! Eh non, mais deux très bons groupes, en fait. Je pense qu'il y en a juste un en théorie, là, mais qui vient de la région. Donc, ouais. C'est bien. C'est très bien. Super. C'est super. C'est vraiment bien. C'est vraiment super. Tu disais vous qui incluait Stéphanie. Vous, Stéphanie, ben oui, t'as vrai, on l'a pas présenté. Ben non. Que c'était son anniversaire hier. C'est vrai. Bonne fête! La la la la la la la la. Pas trop magané aujourd'hui? Pas en tout. Pas en tout, bon. Parle-moi de ça. Bon. Petite chanson. Ah, OK. C'est la chronique Ton plat favori. T'as eu ta petite chanson? Ouais. Hey! Mais ça fait bizarre de parler avant la petite chanson, c'est pour ça. C'est plat, pas de fond, hein? Ouais, vraiment. Et voilà. Donc, Stéphanie Gagné qui arrive pour sa chronique sur ses coups de cœur de la semaine. Ton plat favori. Et cette semaine, je suis sûre que vous allez être vraiment très étonnés. Mon coup de cœur, c'est le spectacle de Mister Valeur de mercredi non, passé. Non, non, non. Surprise. Et voilà. C'est étonnant. Oui, vraiment. Alors, c'est ça, mercredi passé, c'était le spectacle de Atomic Baobab, Prodige Galsen et Mister Valeur. J'étais allée là avec mes amis qui pensaient qu'il allait avoir une tonne de monde. Fait qu'on est arrivé à 6h30, il n'y avait pas un chat. Et le show commençait à 7h. Là. Il y avait Prodige Galsen en premier, ensuite Atomic Baobab. Atomic Baobab. OK. Ouais. OK. Puis finalement, ça a commencé à 8h15, je pense. c'était vraiment long parce qu'en fond, ils attendaient qu'il y ait plus de monde parce que là, c'était pathétique tellement il n'y avait pas de monde. Ils attendaient que le monde arrive pour Mister Valère puis là, leur donner Atomic Baobab puis les affaires qu'ils ne voulaient pas vraiment voir. Ça. Non, mais bref, finalement, ils ont commencé Atomic Baobab puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu sais, parce que quand même, c'est dans le 10-12. Le 10-12, c'est assez immense pour vraiment. C'est ça. Le gymnase de l'UQTR presque. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça paraît vraiment gros. Mais c'est ça. Il n'y avait pas trop de monde. Le monde n'était pas vraiment dedans au début. Moi, j'avais le goût de laisser mon fou parce que je les avais vus au mardi de la relève plusieurs fois. Puis tout le monde dansait. Puis, tu sais, le Gambrinus, c'est tout petit. Fait qu'on pouvait tous danser puis lâcher notre fou. Mais là, c'était quasiment gênant. En plus, qu'on était vraiment en avant. On était quasiment à côté sur la scène. Fait que finalement, on lâchait pas vraiment notre fou. Mais c'est ça, c'était vraiment super bon. Puis je pense que le monde a quand même apprécié, même s'il avait pas l'air de connaître le groupe. Je pense que c'était la première fois qu'ils voyaient en spectacle. Fait que c'était très bon, comme à l'habitude. Après ça, il y a eu Prodige Galsen, hip-hop, rap, reggae. Ils nous ont fait danser, c'était vraiment cool. C'est pas vraiment mon genre de musique, mais dans leur genre, c'était vraiment super bon. Là. C'était vraiment, je trouve, c'est un bon mix de groupes qu'ils nous ont donné pour le parfait la rentrée. Ça ressemble à quoi, mettons, pour moi qui connais pas du tout le groupe, là, ça peut ressembler à quoi, peut-être à Dommatique, non? Non, c'est plus dance que du Dommatique. OK. C'est parce que le dernier Dommatique, là, on a vu la vibe, non? Ah, oh, wesh, non, ça c'était pas bon. Non, ça ressemblait pas à ça. Non, ça ressemble pas à ça. Okay, mais je peux pas dire à quoi ça ressemble parce que j'écoute tellement pas ce genre de musique-là que j'ai pas de référence vraiment. Fait ouais. Que... Mais c'était quand même bon dans son genre. Puis après ça, j'avais tellement hâte. Toute la semaine, j'avais pas vraiment hâte au spectacle. Mais rendu après Prodige Galsen, j'avais tellement hâte que Mister Valère commence. Troisième fois que je les voyais, puis j'étais excitée comme si c'était la première fois. Puis c'est ça, ils ont commencé avec des pièces de Golden Bombay que j'avais plus ou moins aimées. C'était bon, il y avait vraiment gros du monde rendu là. Puis le monde avait vraiment l'air dedans. Moi, j'étais plus ou moins dedans, je dansais pas trop. Mais après ça, ils ont commencé avec une tonne de chansons de Friday Night, qui était leur deuxième album, leur album d'avant. Et c'était vraiment, vraiment fou, là. On était tellement dedans. Puis encore une fois, on était vraiment en avant du stage, là, vraiment les premiers. Puis là, on dansait. Puis moi et mes amis, on chantait toutes les beats. C'est vraiment drôle parce qu'il n'y a pas de paroles dans les chansons de Friday Night. Fait qu'on était là, c'était vraiment drôle. Chic. Ouais, mais c'était vraiment cool, là. C'était vraiment le fun. Tu sais, les gars étaient juste devant nous autres, puis ils capotaient parce que nous autres, on chantait tout. Ils étaient là, ah, c'est malade! C'était cool. C'était vraiment le fun. Puis, c'est ça. Tout le monde était vraiment dedans. Puis le groupe était vraiment, vraiment hot, là. Ils sont vraiment le fun à voir en show. Ils savent vraiment comment mettre le monde dans l'ambiance, puis ils dansent. Ils ont des petites chorégraphies. Je sais pas si vous les avez déjà vues. Non? Non. Toi non plus? Non. Ils font des petites chorégraphies vraiment cute, là. Ils mettent ça sur automatique, là, toutes les tables tournantes. Puis là, ils viennent en avant, puis là, ils font des petites chorégraphies vraiment très basic, là. Mais c'est vraiment dans cute. Du robot, ce truc-là. Non, mais c'est vraiment très, très drôle. Puis, ouais, selon moi, là, c'est vraiment le meilleur groupe à avoir en spectacle. La seule petite déception, c'est que sur Friday Night, il y a deux pièces, Shaving Part 1 puis Shaving Part 2, qui sont vraiment très, très, très bonnes. Puis ils ont pas joué, même si moi puis mes amis, puis une autre clique à côté de nous autres, on était là, puis on criait « Shaving Cream! Shaving Cream! » Mais ils l'ont pas joué. Mais même à ça, c'était vraiment super bon. Avant le spectacle, je commençais à aimer un petit peu plus Golden Bombay. Je commençais à trouver une couple de chansons assez bonnes. Mais finalement, avec le spectacle, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de meilleur que Friday Night. Mais vraiment, là. Friday Night, là, tu peux pas... C'est bien plus facile de danser sur Friday Night que sur Golden Bombay. C'est ça. Et pour les personnes comme moi qui ne dansent pas... Non, mais non, tu dansais. Ah, mais tu bouges, ouais, non. Tout le monde dansait, là. Tout le monde. Même Mathieu. J'étais pas là. Mathieu dansait. Et t'as... C'est un exercice. Là, j'ai eu un certain doute. Je me dis que tout le monde danse, mais si Mathieu est là... Ouais, peut-être pas. Désolé de gâcher votre journée. Si Mathieu danse, plus personne danse. Le monde arrête et regarde Mathieu. T'es vraiment fin avec moi. Hey, pour les fois. Ouais, c'est ça. Je le mérite. Je me gêne pas, mettons. Ouais, fait que pour ceux qui ont manqué le show, donc vous deux et sûrement plusieurs autres, pour vrai, vous vous assurez de ne pas manquer le prochain, parce que c'est tellement... Le prochain, il y en a-tu d'autres dans le coin déjà? Non, pas encore. Parce qu'ils ont quand même fait le festival urbain. Ouais, et puis, quoi, trois semaines, voire peut-être même un mois après, ils sont venus ici. pour ouais, la partie de la rentrée. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de spectacle proche bientôt, là. Mais ils viennent quand même au moins une fois par année à Trois-Rivières. Fait que... Trois-Rivières, c'est pas loin, c'est entre Montréal et la Côte-Nord. Hey, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Hein? Ouais. La Côte-Nord. Côte-Nord. Côte-Nord. Allez. Ben, c'est vrai que c'est entre. C'est ouais. Pas en plein milieu, mais c'est pas en plein milieu, c'est entre. C'est bien. Bref. J'ai pas apporté mon merveilleux album de Friday Night qui est à veille de sauter parce que je l'ai trop écouté. Steph, tu te laisses aller, là. Je sais, mais hey, il est 7h45 du matin, là. Ah, et... là, l'excuse de du temps et du matin, là. C'est moi, pas bon, ça. Je me lève pas à 5h du matin tous les matins comme vous autres. Ouais. Tu devrais. Tu vois comment est-ce qu'on a de l'air heureux. Vous avez l'air sanglé. ouais, c'est ça. Donc, vu qu'on peut pas aller écouter du Friday Night, on va aller écouter une super bonne pièce sur leur dernier album. C'est November No. 3 avec Fanny Bloom de La Patère Rose. Fait que c'est ça. Dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie ouais. Gagné, Assemblage requis. Assemblage requis, c'est fou. 89.1 FM. Entendre November No. 3 de Mister Valère, tiré de leur dernier album Golden Bombay, dans mon bloc favori, Assemblage requis. C'est un excellent plat favori au complet. C'est un excellent plat favori au complet. Merci, l'imitation était très inexacte, je trouve que le ton était boiteux. Bon. Ah, oh, Mathieu Plante. Stéphanie Gagné, merci, Tarouette. De rien, Tarouette. C'est super gentil. C'est tout, Motadine? Sac à papier de Mange la colle. C'est tout. Ouais, Mange la colle, c'est pas... Ben, c'est elle qui l'a dit tantôt, ça m'a fait rire. J'avais jamais entendu ça, Mange la colle. T'as jamais entendu ça? Non. Ben, c'est un peu plus poli que Mange la... Autre chose, là. Ça va, ça, ouais. Eh. On a tous compris la subtilité de la chose. Très subtil. Oui. Ça, c'était ton plat favori à toi. Maintenant, je vais faire mon dessert. Your favorite dish? Ah, que oui. Tu sais, les hipsters sont des cibles assez faciles de nos jours. On aime rire des hipsters. Hey, pour ceux qui savent pas trop, Stéphanie est bonne pour expliquer c'est quoi un hipster. Non. Hein? Non. Moi non plus. C'est tellement n'importe quoi. Ouais, c'est juste ça, c'est comme décrire c'est quoi de la musique indie. Là. Ouais. Ou c'est quoi un douchebag? C'est difficile. Ah, douchebag, c'est bien plus facile. Ah, décris-moi, douchebag, c'est quoi pour les gens? Douchebag, c'est le gars qui va se faire bronzer, qui prend deux fois plus de temps que la fille à s'arranger, qui porte genre du Ed Hardy, qui a des gilets en V, tout le kit. Les le cheveux en crête. Gel, oui, c'est ça, le petit gel, les cheveux. Gros muscles qui s'entraînent genre à tous les jours. Quasiment plus capable de se toucher tellement qu'il y a des gros bras. Il fait sûrement pareil. On dirait que vous me décrivez. Puis qu'il fait tu des beaux. Tu veux pas être un douchebag. Dans les photos, il fait des beaux des pointages de doigts, de paix. Ah, puis il y a aussi, beaucoup la paix. Lui aussi, il fait comme les filles, puis il se prend des photos de lui dans le miroir. Là. Okay. C'est cool là, de faire ça. À date, t'aimes ça, les douchebags? Ben, on dirait que vous me décrivez. Là. Bon. Je suis musclé, bronzé. Tu mets du Ed Hardy avec des gilets en V. C'est moi. C'est moi. Ça te décrit bien. C'est moi. De l'autre côté, les Peters, par contre, c'est... c'est quoi, ouais? Tu peux-tu... Ben, c'est un petit peu difficile. C'est, mettons, c'est les gens qui aiment des choses... Que personne d'autre aime, mais pas nécessairement parce qu'eux autres trouvent que c'est bon, mais parce que... Ils veulent juste être différents des autres. En étant pareil comme toutes les autres qui veulent être différents des autres. C'est un peu comme Imo, mais pas du tout pareil, pas du tout, là, juste dans le même genre de mind. C'est ça. Tu peux même pas te décrire quel genre, comment qu'il s'habille, c'est juste vraiment peut-être louche. Un foulard, peut-être, mettons. Ouais, des grosses lunettes à gros. Mais les hipsters sont toutes pareilles, c'est dans le sens que y a-tu comme une ligne directrice, donc si non, tu t'habilles comme ça, t'es un hipster, non, c'est vraiment, ouais. On peut pas les reconnaître tellement ou... Ben, ou... Parce que... C'est pas aussi facile que emo ou douchebag, mettons. C'est ça. Mais mettons, les grosses lunettes, ouais. Là... à contour noir en plastique, là. Ouais. Ça, c'était hipster. Cheveux un petit peu, mais... peut-être gras un peu, genre, ouais. Mettons. Puis pas rasé, mettons. Si tu checkes, mettons, Alex Nevsky, ça, c'est un hipster. Bon, si donc, tu checkes sa photo. Mais il y a un pad en plus, là, sur sa ouais, pochette. En plus, il y a un pad. Les pads, c'est bien, bien populaire. Ouais. Chez les hipsters. T'as une minute, là, que je le trouve. Ben, pertinent, sur ce mais ça se peut qu'une personne aime ça, par exemple. Non? T'habilles comme ça? Ah oui, ben ça se peut que quelqu'un aime ça lui-même faire ça, mais souvent le hipster va être défini comme étant quelqu'un qui fait ça parce que c'est comme ça qu'il pense que et qu'il devrait être pour être un hipster, peut-être. Parce qu'il veut seulement genre. Être différent. Peut-être. En tout cas. Ah, c'est bizarre. Mais ouais, bref, peu importe, allez regarder, chercher hipster sur Google Images et puis il va y en avoir pas mal des photos. C'est super facile à voir dans beaucoup de spectacles. Exactement. Si tu vas dans un spectacle indie, si tu vas peut-être. Si tu vas voir Metric, là, ouais. Y a rien que de ça. Là. The By Weekend, mettons ouais, un truc comme ça. Peut-être que là, ça devient un petit peu mainstream avec le temps, mais ouais, ça a des racines. Depuis à peu près un an, c'est devenu plus mainstream être hipster. Bon. Là, maintenant, c'est comme cool d'être hipster, non? Ouais, ou être wannabe hipster. Ouais. Ouais. Être wannabe hipster. Il y en a beaucoup. Wannabe hipster. Ben, c'est quelqu'un qui aspire à être hipster. Je pense qu'on l'a perdu, François. Bon, donc. Mais comment tu veux aspirer à. Ah, là, je te laisse aller. C'est un peu long à date comme explication, là, mais bon. Aspirons à être hipster avec cette chanson-là que je vais faire entendre. Donc, rire d'hipster, c'est facile. Tout le monde le fait. C'est à la mode. C'est vraiment. Plus original de le faire, mais peu importe. Il y a une nouvelle chanson, hipster bashing un peu, qui s'appelle Being a Dickhead School. Est-ce que tu l'as vu? Non. Ça date quand même. Il y a à peu près combien de temps? Une semaine ou deux environ que la vidéo est sortie. C'est par The Grand Spectacular. Super impressionnant dans sa production. Une parodie des hipsters avec des paroles que je trouve, ma foi, savoureuses. Si vous ne les comprenez pas, on en reparlera après. Donc voici Being a Dickhead School par The Grand Spectacular au 89.1 FM. C'est Assemblage. Hey, hey! Got on the train from Cambridge, moved down to an East London flat. Got a moustache and a low-cut vest, some purple leggings and a sailor tat. Just one gear on my fix-it bike, got a plus one here for my gig tonight. I play sick, you'll play sick. 20-20 vision, just a pair of empty frames. Dressing like a nut, although I never got the grades. I remember when the kids at school would call me names. Now we're taking over their estates. Well, though my life is a dickhead, all my friends are dickheads too. Come with me, let's be dickheads. Be in a dickhead school. Be in a dickhead school. Be in a dickhead school. So everyone knows we're having new age fun with a vintage feel. Coolest kids at a warehouse rave. Exclusive list, look retro on my necklace. Basically, I'm a part-time blogger and I design my own jewellery line, which is like a mix of religious iconography, kind of with a Saved by the Bell vibe. I organise a vegan crunk night. I'm currently writing my own magazine and it's all about my balls. We're putting on this rave in this abandoned mosque and all the proceeds are going to that thing that happened in the Middle East or Africa or whatever. Donc, en gros, ça parle de gens qui font des blogs ou qui prennent des photos avec une application Polaroid sur leur iPhone et qui se considèrent eux-mêmes très, très cool. Ça sonne encore plus hipster avec le petit accent british. Oui, c'est vrai. British, ça fait tellement hipster. Il y a du synthétiseur dedans et dans la chanson, ouais. Ça parle du gars qui joue du synthétiseur dans un band parce que c'est à la mode d'être le joueur de synthétiseur dans un band, apparemment. Bref, c'est Being a Dickhead School par The Grand Spectacular, une parodie des hipsters. Et en passant, une parodie des hipsters, moi, je trouve ça très drôle, mais en même temps, je pense qu'on a tous une partie de hipsters en nous. On écoute toute la musique de hipsters, fait qu'on peut pas vraiment chialer contre eux autres. On a beau pas s'habiller en hipster cliché, on en est quand même pas. Sauf François. Moi, avec mes cols en V. Et t'es particulièrement orange aujourd'hui. Hein, c'est... Orange? C'est l'auto-bronze. Ah oui! Excuse-moi, je... Ben, c'est parce que là, t'es-tu un hipster ou t'es un douchebag? Décide-toi. Un douchebag, tu sais. T'es en Irak quand même. T'sais. En Irak. T'sais, quand il y a une guerre, choisis ton bord. Hey! Hein? Cherche-moi pas. Bon. Voilà, c'est la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné qu'on remercie beaucoup. Merci Stéphanie Gagné, alias hipsters. Non, ça va aller. Non. Oui. Essaye pas. J'ai-tu l'air? Hein? Oui. Non, vraiment pas. Autant que moi, un douchebag. Ah, ça oui, par exemple. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On a une deuxième tantôt avec Maxime Le Mularamé. Sa chronique Télécharge pas. Aujourd'hui, il nous parle de Caribou et de Morning Benders. Et en plus, il va y avoir une surprise dans sa chronique. Donc, restez à l'écoute pour ça. Et aussi plus tard, Émilie Gauthier avec sa chronique plein air veut sortir avec moi. Mais pour l'instant, on se tape l'Info Campus. Merci. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. La 26e édition de la course chiropratique de l'UQTR aura lieu le 26 septembre prochain au Centre de l'activité physique et sportive. Plusieurs catégories vous sont offertes. On écoute Emmanuel Dion à ce sujet. La course chiropratique, c'est une course pour ramasser des fonds pour la Fondation de la recherche en chiropratique et chiropratique en frontières. Il y a toutes sortes de catégories. Ça va de 0 à 13 ans pour le kilomètre jeunesse jusqu'à 60 ans et plus. Une exposition de poésie est présentée à la Bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du 26e Festival international de la poésie. Plusieurs œuvres qui se sont vues décerner des prix littéraires y sont montrées. L'exposition est à l'affiche jusqu'au 21 octobre, au deuxième étage de la bibliothèque. Le traditionnel Foam Party du comité Intro Rapide de l'Association des étudiants en loisirs, culture et tourisme aura lieu le 23 septembre à 22h. Magali Julien, responsable des communications, explique. Les gens dansent sous la mousse, t'as de la mousse en masse, tu. Puis on va avoir des DJ. Puis cette année, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va avoir le groupe Zuruba, qui va être des percussions, qui vont venir faire des moments pendant la soirée, qui vont faire des prestations. Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets à la Chasse-Galerie. C'était votre capsule Info Campus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Bon, attends, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François. Non. François-Olivier Marchand. Hey, Mathieu Plante. Et Stéphanie Gagné qui est toujours avec nous. Qui... Salut. Allô. Il parlait d'histoire de chat en ronde. C'était particulièrement intense comme débat, je trouve. C'était vraiment drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un chat pourri, un rideau. Non, c'est bref, pas important. Un chat a volé une pôle, c'est ce que j'ai compris. Ça avait l'air intéressant. Je sais pas. Mais il l'a pas ramené encore, je sais pas. Puis, il fait... Le chat a arraché la pôle de rideau du mur. Hein. Et... Sans argent dans le rideau. Non, non, non. Tu niaises-tu? Mets de la musique, Mathieu, il m'énerve. Ah, moi aussi, quand même. Hey, on a une bonne mort, il est 8h01. Oui. On est à Assemblage Requis. Oui. Présenté par... La Banque nationale et par le service aux étudiants de l'UQTR. Oui, on écoute Final Flash. Et après ça, c'est Maxime Miller-Abbé avec Télécharge quoi? Point d'interrogation. I'm je pensais jamais apprendre quelque chose comme ça aujourd'hui. Les hipsters, je savais pas ça. Moi, j'étais pas au courant partout des hipsters. C'est des gens qui trouvent que les hipsters, c'est des démodés. Là, t'sais, un peu genre... Tu connais ça, hipster? Non, je connaissais pas ça avant que Danny en parle. Ben, c'est ça, Danny est venu nous voir là-dessus. Hipster, François, Colin. Ça irait mieux. Bon, merci Mathieu. C'est pas n'importe quel, c'est à moi de checker. Hein. Tu prenais non, mais ben, ouais, non, je te l'ai pas dit. Pas en tout temps. C'est un peu de ma faute, mais ben, tu m'as pas demandé de rien non plus. Non, je sais, mais c'est de même. Je suis un hipster, moi, tu sais. Je suis un hipster. Non, c'est ça. Ouais, oui. Bon. Bon. Et? Ça va faire? Ben, ok. D'accord. On va accueillir un homme que moi je qualifierais de Maxter Spinster. Maxter Spinster. The Better, le Raymer. C'est télécharge quoi. Salut Maxter! Salut les matelots! Bonjour Maxime! Aïe aïe, capitaine! À ma bord, ça va bien? Oui! Yes! Toi? Yes, ça va super bien! Yes. Mardi déjà! Oui! Déjà mardi tard! La semaine passe tellement vite! Ouais! Hey, t'es ici pour nous parler de tes découvertes musicales de la semaine, comme toujours! Ouais, ouais, exactement! Ça ressemble à quoi cette semaine, ça? Ça ressemble à... En fait... Ça ressemble à un animal? Ouais! Ben c'est ça, on va commencer avec Caribou. Je suis allé le voir en spectacle, mais là c'est une personne. Ben c'est une personne qui je pense qui s'appelle Caribou, mais maintenant il est avec un band, fait que je pense que c'est les Caribous. Là. Okay. Mais surtout que le band est vraiment vraiment cool. Puis c'est un X ou un S? Les Caribous. Ouais. C'est peut-être un S. Je sais pas. Oui. Oh, oh je suis sûr là. Non, je pense que c'est un S. Ibou chou genou. Ouais, ça doit être un S. J'ai jamais entendu Ibou chou genou Caribou. Ouais, puis je suis allé voir en spectacle au National. C'est vraiment plus cool que le Métropolis, le National. T'sais, c'est un peu plus petit. La salle est comme en pente un peu. Okay. Fait qu'il n'y a pas personne qui te cache. C'est vraiment très cool. Puis comme je disais, le band est vraiment cool aussi. Je pensais que c'était juste justement le gars, là, Caribou, qui je sais pas comment l'appeler. Là. Car. Boo. Qui chantait, mais il y a aussi le bassiste qui chante. Puis même, je te dirais qu'il chante quasiment plus que la moitié du temps. Fait que sur le dernier album, là, je pense qu'il y a plus que la moitié des tunes qui sont chantantes, c'est le bassiste qui chante, dont la pièce qu'on va entendre tantôt. Mais c'est ça, je viens juste de vérifier, parce qu'hier, c'était les prix Polaris, puis Caribou était en lice. Et puis, à ma grande surprise, c'est celle de Stéphanie aussi, c'est Carquois qui a gagné avec Les Chemins de Verre. Ouais. Je pense que depuis l'existence du prix, là, bon, c'est la cinquième année, mais je pense que c'est la première fois que c'est un groupe francophone qui gagne. C'est ça, sur la shortlist, la courte liste, les finalistes, pas mal. Il y avait les Besnard Lakes, Broken Social Scene, Caribou, Carquois. Tegan and Sarah. Oui. Radio. Dan Mangan. Connais pas? Moi non plus. Dan Mangan. Owen Palette. The Saddies. Ouais, c'est dans le palmarès anglophone. Ouais. Je connais pas ça, The Saddies. C'est bon encore. Ça. Shad. Et c'est ça. Shad, c'est un rappeur. Ça. Ouais. Pis c'est Carquois qui a gagné, alors félicitations Carquois, bravo à tous les Québécois. Ouais. On est bien fiers de vous. Alors pour revenir à Caribou, son dernier album Swim, excellent. En performance, c'est encore plus excellent. Lui, le musicien d'avant-scène, je voudrais que je trouve son nom, en fait, ça serait réglé. Hein. Mais c'était quel spectacle? C'était jeudi dernier. Jeudi, ok. Alors c'est ça, son nom c'est Daniel Victor Snade. Alors, Daniel, qui est la bête de scène, joue pas mal de n'importe quel instrument, surtout des trucs électro, mais elle s'est retrouvée avec une guitare, puis a joué de la batterie aussi. Mais le drummer principal est vraiment incroyable. C'est même lui qui est en avant. Alors, il y a le drummer en avant, puis il y a Daniel qui est juste à côté, puis qui joue un peu de tout. Mais le drummer est vraiment écœurant. Puis tout ce qu'on va entendre là, dans la pièce Jamelia, il joue, là. Tu sais, c'est pas juste électro enregistré avec GarageBand, là. C'est vraiment. C'est lui qui les a. C'est lui. Qui les a je sais pas, c'est lui qui l'a enregistré, mais en tout cas, c'est lui qui le joue live, puis c'est vraiment écœurant. Fait Caribou, moi, je suggère l'album au complet Swim, mais on va l'écouter. Jamelia, télécharge quoi? Assemblage. What good can I be? Did I not do enough to save the two of us? What more could I give her? What more could I do to see her point of view? Why can't I believe her? La toune! Alors, c'était Caribou, la pièce Jamelia de l'album Swim, qui est excellent. Alors, je conseille l'album Swim. Ça, c'était une des pièces là, un peu éclectiques, là, smooth, mais des fois un peu plus cool. Là, mais il y en a des très bonnes. Là, les trois premières sont excellentes. Odessa, Sun aussi, Sun, dont tout le monde parle. Là. Alors, c'était Caribou. Prochain artiste, les Morning Benders. Je dis les, mais c'est The Morning Benders. Il faut que je m'en aille. Non, ça va. OK. Alors, un groupe de Berkeley, en Californie. Berkeley, je pense que c'est une ville universitaire. Je suis en train de dire n'importe quoi. L'université de Berkeley, il me semble, t'entends ça. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, peu importe. On fait comme si ça avait rien dit, là, mais c'est près de San Francisco, alors c'est pas près de Los Angeles, mais plus. En tout cas, OK, fini la géographie, là, Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Alors, Morning Benders, qui était à Oceaga le jour où je n'étais pas à Oceaga. Alors, je ne les ai pas jamais vus live, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le dernier album, Big Echo, qui est leur deuxième album studio. Je connais pas bien le premier. Il y a une pièce que j'aime sur le premier. J'ai pas embarqué trop, mais le deuxième est excellent, Big Echo. La pièce que j'ai choisie... Est-ce que, Mathieu, je t'en ai parlé, la pièce que j'ai choisie? C'est comme si de rien n'était, on va s'arranger. Hein? C'est la pièce End Me Downs. De l'album Big Echo du groupe Morning Benders. En tout cas, il aurait fallu que je sois plus spécifique en place de jaser. On a jasé de Carquois, puis de Facebook, puis de plein de choses là, pendant la pièce. En plus de l'écouter, fait qu'on a oui, pas... c'est ça. On n'était pas à l'heure. Alors, Morning Benders, c'est ça, un groupe à découvrir, mais surtout le dernier album, Big Echo. Grand Echo. Ou Gros Echo? Gros Echo. Gros Echo. Gros écho. Tu dis égo. Égal. Régal égo. Ouais. Alors, Hand Me Downs, c'est ma pièce préférée de l'album qu'on écoute là. Dans le bloc télécharge quoi d'assemblage requis. Ouais. C'est fou. 89. Faut tout te dire. Toi. Ben non, mais c'est, t'as juste à le dire. Ok, ah, ça je te dis. Ok. Mais là, ça commence par exemple. J'ai pas de pilier dessus. C'était The Morning Benders, groupe californien, avec la pièce Hand Me Downs de l'album Big Echo. Super bon album. Il n'y a pas beaucoup de pièces. On aime ça de même. Elles sont toutes bonnes. Comme se concentrer de plaisir. C'est ça. On passe au suivant. Alors, oui, c'est ça. Wolf Parade, un groupe que j'adore, a sorti récemment quand même. Hein. Un nouvel album, en fait, le 29 juin, sorti Expo 86. Expo 86, c'est un peu comme Expo 67, mais ça s'est passé à Vancouver, parce que Wolf Parade viennent de Vancouver. Bon, ils sont installés à Montréal maintenant. Mais, alors, c'est ça. Wolf Parade, Expo 86, troisième album de Wolf Parade. On les considère un peu maintenant comme un super band, parce que, bon, on sait que ces deux chanteurs, puis Spencer Krug joue avec Sunset Rubdown, et puis... Buckner, l'autre chanteur, joue dans Handsome First. Handsome First. C'est difficile à hein, prononcer les... Handsome First, pas les Hanson Brothers. Non. Hey, je pense qu'ils sortent un nouvel album. Là. En tout cas, où j'ai vu comme un article qui disait genre « Where are they now? » Quelque ouais. chose comme ça. Puis ils sont rendus vieux. Là, vraiment. Je pense qu'ils ont des enfants. En tout cas, c'est terrible. Mais ouais, alors Wolf Parade, j'ai choisi la pièce Ghost Pressure. C'est Spencer Krug qui la chante. Mais il y a plusieurs bonnes pièces. Là, j'ai choisi celle-là de mémoire. C'était une de mes préférées. Mais écoutez l'album. Alors, Expo 86, je le conseille grandement, fortement. Alors, on va écouter celle-là. Puis vous êtes toujours à Télécharge quoi? À Assemblage Rocky, sur C'est fou. 89 fois. We'll be right back. C'était Ghost Pressure de Wolf Parade, issu de l'album Expo 86. Alors, c'est tout pour ma chronique. Je vais aller travailler. Ouais. Allez, va travailler, va étudier. Alors, bonne fin d'émission, bonne semaine. Merci, et à la semaine prochaine, mardi à 8h, pour une autre chronique Télécharge quoi? Promis. Bye. Adieu. Salut Maxime. Allez, salut Steph. Salut Steph. Moi aussi, je m'en vais. Tu t'en vas toi aussi? Oh. Bye Steph. Tout le monde s'en va. Je suis en retard de 5 minutes sur mon parking. Un autre l'étiquette. Un autre. Hier, t'en as-tu pas un? Non. OK. Négatif. Vous êtes toujours Assemblage Hockey, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste un autre beau morceau de qualité tout à l'heure avec Émilie Gauthier qui va nous venir nous faire une chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Une chronique plein air. Elle va nous parler entre autres de l'île Saint-Quentin, du parc de la rivière Vatican et de « En ville sans ma voiture ». C'est tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute une pièce de Valse Pariétaire, « J'ivresse » sur la compilation « Les frères du son ». Puis François-Olivier va être là aussi, puis il va sûrement dire de quoi tantôt. Oui, tantôt seulement. C'est ça. Pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Degrés met au grand jour les ramifications de l'industrie musicale, les liens professionnels, amicaux et même amoureux qui unissent nos artistes. 6 Degrés, c'est de la musique indie, rock, pop, franco-québécoise et française avec quelques incursions dans le répertoire canado-anglais. 6 Degrés, les mardis à 17h sur les ondes de C'est fou. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Il fait frette sous ma casquette, mes idées sont des flocons qui tombent. Elles s'accumulent, font boule de neige, et elles n'arrêtent pas de tourner en rond. Roule, roule, roule, roule, je fais des bonhommes de neige avec mes pensées. Faut que ça cesse, avant que vienne l'avalanche, avant que vienne l'avalanche. L'hiver est éternel dans mon pays. 5 mois de glace et de vent sans merci. Et c'est pareil au fond de mon esprit. Je souhaite que la chaleur du printemps arrive. J'attends le temps des amours. J'attends le chant des oiseaux. J'attends les fleurs en bourgeon. J'attends une plus belle saison. J'ai les Alpes sous mon scalp, ma cervelle est une chaîne de montagnes. Et quand je songe, c'est comme un écho, une redondance qui me rend fou. Allô, allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me sauver? Faut que ça cesse, avant que vienne l'avalanche, avant que vienne l'avalanche. Damien Robitaille avec une pièce qui a plus de lien avec le plein air que je pensais. Hein. Il parle de bourgeons puis de nouvelle saison. L'avalanche. Avant que vienne l'avalanche de Damien Robitaille à Assemblage requis au 89 FM. Maintenant, François-Olivier. Oui. Elle est de retour en direct. Oui. En studio devant Bonjour. Nous. Ça fait enchanté. Longtemps. Allô. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas vraiment tant que ça rencontré. Non. Émilie. Ben, François-Olivier. Enchanté. Salut. Ouais. Donc, on l'accueille avec une nouvelle chanson thème. Donc, je te gâte tout de suite. Voici « Veux-tu sortir avec moi ». J'aime ça. C'est le fun. maintenant. Je me sens importante, j'ai ma tune. Oh oui. Parlons plein air avec Émilie Gauthier, donc, qui est de retour. Expliquons-le. Tu étais dans l'équipe de l'émission l'année passée. Tu étais en rediffusion, en chronique camping depuis les dernières semaines. Ouais. Et là, tu reviens sur ton sujet de départ. De départ. Ben, je me suis dit que septembre, la rentrée, il y a des nouveaux. Un peu comme l'année passée, il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas la région, dont moi. Fait que je restais avec des trucs du coin, puis plus la saison avançait, plus que j'allais chercher un peu plus loin, chez Shawinigan, un peu plus loin que ça. Mais là, j'ai décidé de quand même revenir un peu à mes bases, rester dans des trucs qui sont dans le coin pour les prochaines semaines, ça devrait être ça. Puis... M'amener, on ira ailleurs. Ouais. Et t'as de très bons sujets pour commencer. L'île Saint-Quentin. Ben, ça, c'est, je pense, c'est mon petit coup de cœur, là, l'île Saint-Quentin. Quand on a le goût d'aller prendre une petite marche dans le bois, oui, il y a les sentiers de l'UQTR, mais c'est pas des très longs sentiers pour des longues marches. On peut aller à l'île Saint-Quentin. C'est tout près de l'université, c'est quoi, 10-15 minutes en auto? Ouais, ça, c'est pas très loin. L'autobus passe par là aussi. C'est ça, on peut se rendre aussi en autobus. C'est pas cher, c'est cute, c'est le fun. L'été, c'est le fun, il y a la plage. C'est vraiment un petit lieu, une petite île d'amusement. Voilà. Comme l'île de Gilligan. Exactement, sauf qu'on peut en sortir. Ah! Voilà. C'est ça, c'est le slogan de l'île Saint-Quentin. Vous pouvez en sortir. Ah oui? Ah, non, ah tu viens d'apprendre quelque chose, Mathieu. Non. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est à la jonction de la rivière Saint-Maurice puis du fleuve Saint-Laurent. Fait que c'est comme pour se rendre au Cap, il faut passer par-dessus. Les deux ponts, là. Les gens appellent ça les deux ponts. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a deux ponts. C'est original quand même. C'est vraiment original. Les sentiers passent par différents milieux. Il y a différents types de forêts sur l'île. Il y a des panneaux d'interprétation qui sont disposés dans les trajets. Il y a environ 5,8 km de sentiers. Fait qu'on peut quand même passer un petit bout de l'après-midi là. On doit débourser un gros 4 $ par personne pour accéder au site. Il y a 2,50 $ par automobile. Donc, on favorise le covoiturage, on jam-pack le char, comme on dit, puis on le remplit. C'est ouvert de mai à la fin octobre, de 9h à 22h, puis on peut se rendre sur www.île-st-quentin.com pour avoir plus d'informations. Oui. Le parc de la rivière Batican est notre prochain arrêt. Oui, c'est situé à environ 35 minutes d'université. Je me suis un peu plus éloignée, là. Je sais qu'il y a des choses plus proches, mais ça vaut la peine. C'est un site de promenade qui est ouvert de 9h à 17h jusqu'à environ 17 octobre prochain. On peut s'y rendre pour profiter de 25 km de sentiers aménagés à la proximité de la rivière Batican et de la forêt avoisinante pour la randonnée pédestre ou le vélo de montagne. On peut aussi faire du camping sur réservation. Sur le site internet, disent de se dépêcher puisque les fins de semaine sont pas mal toutes complètes. Il y a comme 4 sites. Donc, si vous voulez faire du camping, on se dépêche. Sinon, le prix d'entrée sur le site comme tel pour faire de la randonnée est de 6,50 $ par personne. On peut aussi s'adonner à Via Batican. C'est une série de marches sur parois rocheuses, tyroliennes et parcours d'arbres. Donc, je pense que ça peut être le fun. Ouais. C'est pas juste de l'arbre en arbre, là, c'est un peu plus avec ça. C'est un parcours accessible du mercredi au dimanche jusqu'au 17 octobre aussi. Il y a des tarifs spéciaux pour les groupes d'étudiants et d'adultes sur semaine. Donc, du mercredi au vendredi. C'est un endroit sympathique, autant pour une journée que pour passer une fin de semaine camping et via Batican et randonnée. Et voilà. Pour plus d'informations, on peut aller sur parcbatican.com. Excellent. Et on termine avec En ville sans ma voiture, qui est la grosse chose là, en ce moment. La grosse chose, oui. Samedi dernier, le 18 septembre, on avait un samedi festif pour fêter les technologies véhicules alternatifs en transport durable. Comme ça, là, saviez-vous que 37% des effets de serre du pays viennent des transports? Non, OK. C'est beaucoup. Que 50% des adultes et 37% des enfants sont en surpoids. Mm-hmm. C'est beaucoup. Un autre point. Que le coût annuel d'une voiture est d'environ 8 000 $, alors que le coût de l'ensemble des transports durables pour une personne est d'environ 1 500. 8 000, 1 500, faites le calcul. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et fait que je pense que c'est une raison juste d'utiliser le transport actif. Ouais. Là, ce n'est qu'au niveau de notre santé, là, aller se stationner dans les rues plus loin avec beaucoup d'espace de parking qu'on a présentement. Ouais. Juste aller se parquer un peu plus loin dans la rue, marcher un 5 minutes, ça peut juste faire une différence. Donc demain, le 22 septembre, ça va être En ville sans ma voiture. On utilise notre vélo. On a tellement une belle piste cyclable en plus à Trois-Rivières. Il faudrait l'utiliser. La marche, le covoiturage, l'autobus, l'autopartage. À Trois-Rivières, l'auto solo et 86% des déplacements. Donc, je pense que... Auto-solo, c'est tout seul dans ta voiture. Tout seul, ouais, dans ta voiture. Donc, covoiturage, c'est considéré à deux personnes et plus. Donc, je pense que c'est pas très compliqué d'appeler son ami, faire « T'as-tu besoin d'un lift? » Je vais aller te chercher en passant, t'es sur mon chemin. Ben, c'est bien de voir sur Facebook, entre autres, je vois tout le temps des gens qui offrent leur service de covoiturage. Je m'en vais à Montréal en fin de semaine, qui veut embarquer, ou d'autres qui le demandent. C'est le fun, même sur Facebook, ça poigne le covoiturage, on dirait. Mais nous, on fait du covoiturage. Oui, pendant peut-être une dizaine de minutes chaque matin. Ben, c'est pas sur mon chemin pendant tout. Pendant tout, hein? Ben, je m'excuse. Hein? Non, mais c'est correct. Dans le fond, on va faire l'épicerie à plusieurs, on ramasse des amis pour aller à l'école. C'est juste tellement facile de faire comme « Hey, salut, j'ai un auto, on se dépanne dessus. » Puis pas nécessairement de demander à l'autre « Ouais, ben, c'est parce que je t'ai fait un lift, peux-tu me donner 5$? » Non, c'est juste le fait de pas avoir à amener 10 voitures de plus, on peut en faire venir jusqu'à ta mais, place. Mais c'est une bonne idée, par exemple, de demander de l'argent. J'avais pas pensé. Ouais, ben, je coanime le matin avec toi, tu grâce à ça. Oui. Fait que, c'est ça. Demain, tous les bus vont être gratuits, donc tu n'auras pas à le payer demain. Donc, je n'irai pas à aller chercher. Tous les autobus sont gratuits, donc c'est le moment d'essayer ce que c'est les transports en commun pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ben oui, le beau service en commun de Trois-Rivières. Excellent service. Ben oui, hein? Tout à fait, Mathieu. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'éventuellement, s'ils veulent convaincre les gens, peut-être baisser le prix aussi, hein, t'sais? Puis peut-être avoir un service fiable, peut-être aussi. Mais peut-être. On peut avoir une passe étudiante à la GE pour moins cher. Quand même que trop cher pour le service, tu sais. En tout cas, t'apprendras l'autobus voir. OK. OK? Je te le conseille. OK. Fortement. Je vais faire l'essai pour toi. Ah, un test! Demain, c'est gratuit, donc... Là, ça vaut la peine. Ouais, il n'y a pas question de tarif demain, là, mais... C'est ça. En tout cas, l'éditorial pour une autre fois sur la STPA. Tu me mets tout au défi? En fait, oui. Je te donne 5$. OK, c'est bon. Ça couvre un transport et demi. OK. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre chronique plein air avec d'autres sujets. Oui, on y était mollo cette semaine. Là, faut se remettre dedans tranquillement. Mais je vous reviens la semaine prochaine en force. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très apprécié. Merci. T'as rien. Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi » tous les mardis à 8h30 ici dans l'Assemblage Requis. On s'en entend un petit peu de Yann Perrault. Yann Perrault, oui, avec la pièce « Le bruit des bottes », mon ami. Ben, c'est une pièce que j'ai choisie pour le plein air aussi. Tu sais, « Le bruit des bottes », t'as des bottes de randonnée. Oui, des bottes de pluie, des bottes de marche, des bottes de... Hein? Des bottes d'hiver. Ah oui, aussi. Ça commence, ça, là. Des bottes d'été. Des bottes d'été. Non. Non. Des mottes bottées. Oh, ouais! Passez proche de dire. Mottes bottées. Sacré Mathieu Plante. Eh ben, ca! À 8h44, vous êtes encore assemblage requis. Ouais. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. N'entends-tu pas le vent qui porte le bruit des... Qui n'attendent qu'un récit. sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Écoutez, s'il vous plaît. Deux portes de cigarettes dans un café quoi Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi, courir droit devant moi. Ah. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues perpétuique. On mange du vin pour souper, on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chambres fermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelés et désirablés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. Le Husky featuring Fanny Bloom avec Dialogue, assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste une dizaine de minutes à peine et là, François-Olivier est parti, donc je vais faire une petite chronique, c'est un fait, juste avec vous. Ça va être super chillax. Chillax. Comme chill puis relax. Ensemble. N'importe quoi. Commençons avec un fait que vous allez adorer. Les chauves-souris parlent avec un accent. Par rapport à où ils vivent, c'est vrai. Un petit peu comme les humains et d'autres types d'animaux, les chauves-souris ont des dialectes qui varient par rapport à la région où ils vivent. Les scientifiques croient que cette information-là pourrait avoir de la valeur un jour pour distinguer les différentes espèces de chauves-souris. C'est bien, hein? La première publicité à l'extérieur pour Coca-Cola était sur le côté d'une pharmacie à Cartersville, en Géorgie. En 1894, un vendeur de Coke qui s'appelait James Cowden a peint un genre de publicité avec le logo de Coca-Cola et puis Drink en haut, sur le côté est de la Young Brothers Pharmacy. En 1990, ça a pris, il a fallu qu'il enlève 25 couches de peinture pour réussir à retrouver cette publicité qui était affichée en arrière de ces 25 couches de peinture-là en 1894. C'est quand même étrange qu'on puisse faire ça en vue des couches de peinture. Saviez-vous que la plus longue vidéo sur YouTube dure 13 heures, 5 minutes et 22 secondes? Mm-hmm. C'est une vidéo faite par Canadian Stud Muffin en 2009. C'était une réponse à une autre vidéo, celle-là de Charles Trippy, qui s'appelait Longest Video Ever on YouTube, la plus longue vidéo de tous les temps sur YouTube. Cette vidéo-là faisait 9 heures et 15 minutes. Les deux sont des vidéos super emmerdantes, super ennuyantes, il se passe absolument rien. La vidéo de Trippy, c'est lui, dans son salon avec trois autres personnes et un chien. Ça écrit les mots « This will be dumb », ça va être stupide, pendant quelques secondes après le début du vidéo. Celui de Canadian Stud Muffin a été fait sans vraiment penser que quelqu'un allait le regarder au complet. Il était surpris d'entendre que les gens l'avaient regardé au complet, c'est vrai. Bref, allez voir sur YouTube pour « Longest video ever on YouTube » et « Canadian Stud Muffin ». Voilà. Saviez-vous que un des présidents des États-Unis, Woodrow Wilson, avait des moutons à la Maison-Blanche, et c'est eux qui, si on veut, passaient la tondeuse, hein, c'est les moutons qui mangeaient le gazon, donc ça gardait la cour toute jolie devant la Maison-Blanche pendant qu'il était président. Saviez-vous aussi que Charles Richter, qui est le gars de l'échelle de Richter, qu'on dit en français Richter, mais tu sais, Richter, bon, on s'entend, apparemment qu'il était un grand amateur du nudisme. C'est ça. Saviez-vous que Mercedes, la compagnie Mercedes, est propriétaire d'une ferme d'autruches en Afrique du Sud? On dit que les plumes des autruches ont des propriétés antistatiques et elles sont utilisées pour épousseter les voitures avant de les peinturer. C'est vrai, c'est un fait, là. Hein? On époussette avec des plumes d'autruche. C'est quand même étrange. Saviez-vous que les cacatoès, c'est les oiseaux, les cacatoès, hein, mâles, on peut leur apprendre à parler, mais les femelles, elles, ne peuvent seulement chanter et faire des petits bruits d'oiseaux. Là. Ils peuvent pas parler, cacatoès femelles, mais non. On nous enseigne sur le site oyefacts.tumblr.com, on leur demande, quand est-ce que la musique classique a été nommée musique classique, t'sais, parce qu'à un moment donné, classique, t'sais, le terme classique a dû venir après, dans le futur, après, c'était pas classique pendant que c'était classique, hein, bon, pendant que c'était courant. Le terme musique classique n'est pas apparu avant le début du 19e siècle. Ils essayaient de marquer, si on veut, la période entre Johann Sebastian Bach et Beethoven comme l'âge d'or de la musique, donc ils essayaient de dénoter que c'était l'âge d'art de la musique. La première référence à la musique classique a été enregistrée par le Oxford English Dictionary en 1836 environ. On dit environ 1836. Saviez-vous qu'un restaurant à Memphis sert des hamburgers qui sont frits dans la même graisse, la même huile qu'il y a 98 ans? Oui, de la graisse de 98 ans. C'est Dyer's Burgers dans sur Beale Street au centre-ville de Memphis, Tennessee. Donc, c'est ce qui les rend célèbres, c'est que les hamburgers sont frits dans la même huile qui a toujours été dans le bac à huile, si on veut. Bref. Ils enlèvent les morceaux de viande, les morceaux de détritus, si on veut, quotidiennement, mais ils la jettent jamais. Donc, il y a de bonnes chances qu'un client qui va manger là-bas, il va manger des vieilles affaires, des décennies de déchets quand même. Saviez-vous que le père de Charlie Brown était barbier? Une autre chose étrange, et là, vous l'essayerez à la maison, prenez un miroir, regardez dans un miroir et regardez l'un de vos yeux et ensuite changez et regardez l'autre œil. Et retournez à l'autre œil, l'autre œil, l'autre œil, l'autre œil dans le miroir et vous n'allez pas être capable de voir vos yeux en train de bouger. Hein? Pas pire ça? Gardez un œil puis l'autre. C'est ça. Et voilà, pour les faits pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. On a appris bien des choses, on s'est diverti, on a aimé ça, le fun. C'est ça, il y en aura d'autres demain dans la chronique. C'est un fait. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées, l'émission qui est faite à partir de matériaux de qualité pendant une certaine partie de l'émission. On s'écoute un petit peu de Tricot Machine, voici Radar et on vient avec la conclusion de l'émission après. Je pars l'esprit mobile sans tambour ni trompette. J'emporte l'inutile et quelques allumettes. Je pars sur un coup de chance, je parie sur le bleu. Quand tout le monde s'en balance, je fais ni une ni deux. Je pars sans faire exprès comme le feu aux récoltes. La foudre fait la guerre, j'attends la révolte. Et si jamais on me cherche, regardez sur le radar. J'suis juste un peu à gauche, en plein milieu de nulle part. J'avance sans crier gare, juste à côté de la traque. Je fais confiance au hasard, jamais le train ne me frappe. J'avance le cœur au ventre, prête pour la bataille. Devant rien, et je ne tremble, je suis toujours de taille. J'avance en laisse trace à l'envers du bon sens. Jamais à la bonne place, toujours au bon moment. Et si jamais on me cherche, regardez sur le radar. J'suis juste un peu à gauche, en plein milieu de nulle part. J'arrive entre deux eaux sous les sables mouvants, programmé par défaut à contre-courant. J'arrive à la sauvette et les mains dans les poches. Tout va tellement plus drette quand c'est un peu tout croche. J'arrive la tête en jugue et les pieds dans les plats. Mais de fil en intrigue, je me suis rendu à toi. Et si jamais on me cherche, regarde sur le radar. Je suis juste un peu à gauche, en plein milieu de nulle part. Trico Machine avec Radar de leur album La Prochaine Étape. C'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 7h avec tout plein d'autres chroniqueurs. Restez avec nous sur nos ondes. Assez fou, il va y avoir deux nouvelles émissions. À 9h, juste après les nouvelles de Radio-Canada, ça va être Le Soleil, lui, pour tout le monde. Une émission biographique qui porte sur un artiste francophone. Ça commence à 9h. Et puis à 16h, tout à l'heure, c'est On se la joue avec Roxane Gagnon et Marie-Michel Dupuis. Et puis il y a toujours 6 degrés après ça à 17h. Donc passez une excellente journée. N'oubliez pas d'écouter Le Dîner de Con. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Bye. À demain.